Dernière page. Décadence, un abbé de 5 ans. Messieurs les anciens et la congrégation de Saint-Maur. Dont Jean Huyne. Le vœu de Louis XIII et le berceau de Louis XIV. La naissance de Marguerite Marie. Charles X, Louis-Philippe et la cage de fer. 1790, profanation, les prêtres captifs. La maison centrale. Le mont Saint-Michel restauré et rendu au culte, l'avenir. Le titre même de notre livre marque sa fin à l'heure où Dieu cesse d'opérer au mont Saint-Michel les merveilles sensibles qui ont abondé jusqu'ici dans son histoire. Il semble qu'une étape de la marche divine soit parcourue. La France a frayé son providentiel chemin des Mérovingiens aux Bourbons dont le règne commence. Nous avons vu naître dans un miracle le sanctuaire de protection au fait duquel les ailes de l'ange largement éployées devaient abriter l'acte de Dieu par les Francs. Nous avons traversé ensemble la permanente merveille de ses annales. Nous avons vu jaillir du roc et monter et s'épanouir le prodige de ses murailles, immense joyau où l'art a communiqué à la pierre le prix de l'argent et de l'or. Nous avons lassé notre propre étonnement à compter les triomphes de sa poignée de défenseurs, moines et chevaliers, soit contre l'anglais ennemi, soit contre le français, hélas, déchu et déshonoré par l'apostasie. C'est la même lutte du premier au dernier jour, le révolté d'un côté, le fidèle de l'autre, le dragon vaincu, l'ange vainqueur. Et nous avons suivi le vol de cette protection surhumaine à travers l'espace et le temps, à Reims pour le baptême de Clovis, à Saint-Pierre de Rome pour le couronnement de Charlemagne, au désert pour le testament de Saint-Louis, en Lorraine pour la vocation de Jeanne d'Arc, à Notre-Dame de Paris pour l'action de grâce d'Henri le Grand et de la France. Il semble qu'il n'y ait plus besoin de miracles, non pas que ce doive être le repos n'est pas sur la terre, mais nous pourrons croire un instant que nos prospérités fleurissent d'elles-mêmes. Le germe en est jeté. Nous aurons Louis XIV, Condé, Bossuet, Corneille, et nous aurons l'apparence d'unité de foi jusqu'aux heures prédites où le comble de la faveur, engendrant l'excès de l'ingratitude, l'idée même de Dieu chancellera chez nous d'abord, puis dans l'univers, là, de tous les trônes et de tous les autels. Alors, il ne s'agira plus de la France, mais du monde. Dans l'assaut de l'enfer escaladant le ciel, et l'Église, restée seule, debout, entendra, fût-ce au fond des catacombes, la voix puissante qui crie le « qui est comme Dieu ». Dans ces luttes, cependant, qui sont entamées et se poursuivent sous nos yeux, Saint-Michel ne sera plus l'unique champion de la foi, car l'Église chante en sa douleur sereine, cœur immaculé de Marie, priez pour nous, et surtout, cœur très sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Les dévotions élèvent leur niveau en même temps que le danger monte, et le dessein de Dieu qui est éternel a l'air parfois de naître tout à coup quand il découvre seulement de siècle en siècle les lointains jusque-là mystérieux de ces immuables étendues. Ce sera désormais un coup d'œil très rapide que nous jetterons sur notre chère montagne au moment de la quitter. L'abbaye était sortie de ses guerres toute blessée et meurtrie non seulement dans ses murailles qui menaçaient ruine, mais aussi et principalement dans la piété de ses religieux. Le règne des abbés commendataires, sorte de bas-empire, avait relâché la règle et introduit le calcul mondain, égoïsme et paresse. Quelques âmes, parmi ces malheureux moines destitués de supérieurs, restaient fermes au service du cœur à l'heure où Henri de Lorraine de Guise, enfant de 5 ans, fut nommé abbé pour succéder au cardinal de Joyeuse. Le pape Paul V ne consentit à cette étrange installation que pour assurer à la communauté mourante de puissants protecteurs, et par le fait, le duc et la duchesse de Guise, s'étant adressés au père de Bérulle, depuis cardinal, celui-ci mit au mont pour gérer la commande de l'enfant abbé, un homme de vrai mérite, le docteur en théologie Gastaud, qui ne recula pas devant la rude tâche d'y opérer les plus urgentes réparations matérielles et morales. Cet auguste monastère, dit Don Huyne, n'avoit plus aucune apparence d'un lieu d'ordre. les lieux réguliers estoient ouverts à toutes sortes de personnes, hommes et femmes, la plupart des logements sans porte ni fenêtre. Don Juan dénonce, ce qui était bien pis, l'office divin presque délaissé, n'y ont que 3 ou 4 pauvres moines qui assistoient au chœur, les autres, menant pour la plupart une vie indigne même d'un simple séculier. Le père Gaston, après avoir fait tenir au duc de Guise un état des réparations nécessaires qui montait à plus de 30 000 écus, parla de la réforme, plus indispensable encore, et proposa la règle de l'oratoire dont il était. Messieurs les anciens, comme on commença dès lors à les appeler, tant on se tenait certain de les voir sous peu remplacés, s'y refusèrent. On songea alors à des bénédictins anglais établis à Saint-Malo qui furent également repoussés. Enfin, don Anselme Rolle, de la congrégation de Saint-Maur, nouvellement établie mais qui avait réformé déjà nombre d'abbayes, étant venu en pèlerinage au Mont, eut cette vision que Dieu serait servi en ce lieu saint par les religieux de sa congrégation. Et après des négociations très longues et bourgeoisement menées, cela eut lieu ainsi, moyennant qu'on bailloste à chacun, de messieurs les anciens, pension pour vivre le restant de leurs jours. Le duc de Guise, prévenu et agissant toujours pour son fils, le trop jeune abbé, demanda des sujets à Corbie, où se tenait le chapitre général de la congrégation, et sans retard, 12 religieux furent envoyés. Le premier prieur de la nouvelle règle fut don C.H. de Molleville, vénérable homme de Dieu, selon don Juan. Sous le second, don Placide de Sarcus, fut écrit l'ouvrage du père Feuardent, l'histoire de la fondation de l'église et abbaye du Mont-Saint-Michel des Miracles. On n'avait point encore de livre imprimé pour les pieux visiteurs, et celui-ci, qui eut en peu de temps 15 éditions, rendit un très grand essor au pèlerinage. Ce furent, comme nous l'avons déjà dit en décrivant les divers étages de la merveille, les bénédictins de Saint-Maur qui mirent leur dortoir dans le réfectoire de messieurs les anciens. Je reviens sur cette assertion parce qu'elle m'a été assez vivement reprochée et je la confirme avec de nouvelles preuves à l'appui. Don le roi, le chroniqueur qui traite surtout la question d'architecture, dit en effet « Cette année-là, 1629, Pierre Béraud, sieur de la Brouée, fit parachever les 2 dortoirs subalternes dans le grand réfectoire. Don Juan n'est pas moins précis, et dont le roi ajoute, en parlant de la magnifique salle qu'on s'obstine à nommer le réfectoire des moines, c'est-à-dire bien entendu le réfectoire des anciens, dans la grande salle de dessous qui servait autrefois de plomberie, il y fit accommoder le réfectoire. Item, il fit faire tous les degrés par où on monte du réfectoire au dortoir, et pour cet effet, il fit percer une voulte. Je confesse que j'aurais quelque peine à me repentir d'avoir regardé ces indications comme suffisamment claires et concluantes. La voûte percée et les degrés construits par les bénédictins de Saint-Maur me semblent démontrer assez bien qu'avant eux, il n'y avait là qu'une voûte et non point des degrés, puisqu'il fit faire les degrés et percer la voûte. En 1631, l'enfant qui devait être le grand Condé, Monseigneur Henri de Bourbon, vint en pèlerinage au Mont et logea 2 jours en l'hostellerie de la Licorne. Il fut suivi de près par le supérieur général de la congrégation de Saint-Maur, dont Grégoire Taris, le maître des Mabillons, des Montfaucon et des plus illustres savants du XVIIe siècle. 2 ans plus tard, le 16 octobre 1633, arriva comme simple religieux le futur auteur de l'Histoire générale du Mont-Saint-Michel, dont Jean Juan, à qui nous avons fait en ces pages des emprunts si répétés. À peine sait-on qu'il venait de Picardie, il n'a jamais rien dit sur lui-même. Une pierre où est marquée la date 18 août 1651 indique sa sépulture en la chapelle de Notre-Dame à Saint-Germain-des-Prés, la grande abbaye qui abritait aussi Mabillon. Pendant que don Juan racontait le passé, il n'y avait plus rien dans le présent sinon d'inutiles et interminables contestations entre les prieurs de Saint-Maur et les évêques d'Avranches. Le très fatigant récit en est bien où il est, nous l'y laissons. Le jour de l'Assomption, en l'année 1638, sous le priorat de don Jehardac, il y eut pourtant un grand réveil de piété. on célébrait pour la première fois la procession du vœu de Louis XIII. Le Mont-Saint-Michel tressaillit profondément à la voix royale qui mettait la France sous la tutelle de Marie. On fit écho à cette voix de toutes parts, et au-dessus des rogations puissantes que la patrie épandait comme un flot, vogua bientôt, nef heureuse et glorieuse, le vœu exaucé, le don de Marie, le berceau de l'enfant Louis XIV. Nous disions au précédent chapitre, en parlant des excès qui marquèrent la jeunesse protestante, notre ère était commencée. Nous le répétons ici en traversant ces jours non pas apaisés, mais glacés, où la mode en théologie était de fouiller l'évangile et la doctrine pour y trouver prétexte à s'éloigner de Dieu. Le protestantisme n'avait pu tuer la foi, il revenait sous un masque et s'attaquait à l'amour qui est la fleur et le fruit de la foi. À l'heure du vœu de Louis XIII, Jansénius, autre Calvin très diminué et hypocrite, tendait en trappe avec le haineux Saint-Cyran le système des calomnies, destinées à supprimer ces soldats du vaillant amour, les jésuites, dont le nom devient plus éclatant et plus vénéré à mesure qu'on essaye de le salir davantage. Les jésuites étaient la dévotion, c'est-à-dire l'expression même du dévouement à l'œuvre du salut des hommes dans la voie et sous l'autorité de l'Église, par conséquent la charité élevée à sa plus chrétienne puissance. Ce monstre que Molière allait peindre d'après nature, le janséniste Tartuffe, établissait déjà dans l'ombre le jeu de bascule qui devait, aux yeux aveuglés du siècle, retourner les rôles comme au calvaire et mettre l'écriteau d'égoïsme au front du sacrifice. Et les saints manquaient. C'était le premier effet de la nouvelle sagesse judaïque. Le génie de Richelieu frappait les grands coups qui ouvrirent au grand règne son chemin large et droit, mais il n'y avait plus de saints. On eût dit que l'âge précédent, si magnifiquement fécond, en donnant à l'Église Ignace de Loyola, Stanislas Kostka, François Xavier, François de Borgia, Jean de Dieu, Thérèse, et jusqu'en ses derniers jours François de Sales avec Vincent de Paul, avait épuisé la source héroïque. La moisson des saints ne mûrit pas sur ce terrain des subtilités d'école, arides et sans amour, où l'orgueil du faux savoir, lésinant vis-à-vis de la charité infinie, défend pied à pied, discute mot à mot, marchande sou à sou, le taux du tribut de gratitude, de tendresse et d'obéissance que le monde racheté doit à son Rédempteur. Il n'y a rien sur la terre de plus misérable que ce parlementarisme, défiant, ramassant des chicanes prétendues théologiques pour opposer leur étroitesse à la générosité sans borne de Jésus-Christ. Ces procédures ont une malsaine odeur qui monte, en miasme, jusqu'au sommet de l'esprit humain. Un jour, la pensée de Pascal peut en être infectée, et il faut une grâce spéciale de la Providence pour en préserver le génie même de l'immense chrétien Bossuet. Le vœu de Louis XIII, avec un enthousiasme prophétique, venait au début de la maladie, et fut le premier symptôme du secours. Saint-Michel n'y apparaît point, sinon comme notre intercesseur naturel, l'antique patron des Francs et le chevalier de Marie. Au chevet du fils d'Henri le Grand, que Louis le Grand allait avoir pour père, l'ange de la patrie laissa tomber peut-être une parole de conseil. Le roi de nos gloires valait une pareille origine. Et quand germa, quelques années plus tard, cet autre secours d'une supériorité incomparable, le vivant grain de s'élever qui allait aider l'Église à restaurer en nos âmes plus fervent que jamais le culte de l'amour, il devait être deux, Marie et son chevalier Michel, pour présider en un hameau perdu de la Bourgogne, du côté de Jeanne d'Arc et du soleil levant, à la naissance de l'enfant, humble par sa vie, humble par sa mort, humble par son nom. Marguerite à la coque, dont l'impiété a fait l'objet favori de ses risées, mais qui avait pour mission d'inaugurer, à deux siècles de distance, la grande œuvre de nos expiations modernes. Sous la prélature d'Henri de Lorraine, devenu majeur, eut lieu la fameuse révolte des nu-pieds, occasionnée par les impôts sur le sel. Leur chef, Jean Quétil, écuyer, sieur de Pontébert, parvint un instant à se retrancher dans la ville du Mont. Henri de Lorraine lui-même prit bientôt part à une rébellion plus importante qui liguait le comte de Soissons, le duc de Bouillon et la reine-mère contre le cardinal de Richelieu. sa retraite en Espagne après la bataille de la Marfée lui fit perdre sa commande, qui fut donnée au frère de Saint-Mars, Jean Défiant, lequel tomba peu après en disgrâce par suite de la condamnation du favori. Jacques de Souvray, de l'ordre de Malte, homme de haute naissance, grande vertu et prudence, lui succéda, 1642, et en agit noblement avec ses moines. Par son crédit, il apaisa la querelle qui menaçait de s'éterniser entre l'ordinaire et la communauté, et mit à la raison assez rudement un fils de la maison ennemie de Saint-Michel, le huguenot Jacques de Montgomery-Lorge, qui recommençait en petit les méchants exploits de ses ancêtres. Il ne faut pas croire que les huguenots eussent baissé pavillon tout à fait, après le gouvernement à la fois despotique et burlesque du sieur de la Chastière qui commandait la garnison du Mont lors de la disgrâce de Fouquet, un nommé Pascal de Coumiens, huguenot de Montpellier, eut un instant la garde militaire de la maison de l'Archange, au céleste patronage de qui, cependant, Louis XIV attribuait si hautement ses victoires. Quoi qu'on fût encore assez loin du XVIIIe siècle, la peste des petits abbés commençait. Dont le roi raconte qu'un matin de mai, en 1648, M. l'abbé de Savigny, de la maison de la Vieuville, se présenta avec sa suite. Au lieu d'avoir l'habit blanc et le scapulaire noir de son patriarche Saint-Bernard, il avoit un habit de drap de Hollande, avec le plumet à son chapeau et l'espée à son costet, pendu d'un bosdrier en broderie d'or. Selon la loi, on lui demanda ses armes, mais il se fâcha et battit tout le monde. Peu s'en fallut, ajoute Don le roi, qu'on ne le canardaste. Bien lui en prit que cela arriva de bon matin et que les cerveaux de nos bourgeois de la ville n'estoient point encore échauffés du cildre de Normandie. On n'a pas fait le compte des colères soulevées par ces petits bénéficiers pendant tout un siècle. Sans eux, l'encyclopédie aurait eu fort à faire. Ce ne fut pas une économie pour les rois que de payer ainsi leurs dettes avec l'honneur de Dieu, et quand Voltaire commença de faucher, il faut être juste, la fenaison était terriblement avancée. Ce fut sous le commandeur de Souvray que Don Thomas le Roi accomplit au Mont Saint-Michel, en l'espace de 20 mois, du 26 novembre 1646 au 24 juillet 1648, les admirables et vraiment curieuses recherches qu'il nous a laissées. Après son départ, le peu de renseignements qu'on glane viennent du dehors. Jacques de Souvray mourut en 1651 et fut remplacé par un autre chevalier de Malte, Étienne Texier d'Hautefeuille, auquel succéda, en 1703, un baron allemand muni d'un nom vraiment redoutable, Johann Friedrich Karg de Bedenbourg de Kirchstetten. Il commanda son portrait et se fit dédier un livre qui est resté en manuscrit à la Bibliothèque nationale. En 1706, arriva un personnage mystérieux dont la voiture, en traversant les grèves, était escortée d'une forte garde. Personne ne fut admis à le voir, sauf son geôlier, car c'était un prisonnier. On le prit pour le masque de fer, mais c'était le patriarche des Arméniens, Avédic, que l'ambassadeur de Louis XIV à Constantinople, M. le marquis de Ferriol, avait fait enlever pour mettre un terme à ses cruautés envers les catholiques arméniens. La correspondance administrative de Louis XIV constate que le prieur, qui était alors Don Julien Douat, reçut ordre de garder étroitement le prisonnier sans qu'il y eût communication avec qui que ce soit, de vive voix ou par écrit. Le charitable traitement qu'il reçut de Don Douat toucha le cœur d'Avédic. Il fit abjuration en 1710 entre les mains de l'archevêque de Paris, fut ordonné prêtre et attaché au clergé de Saint-Sulpice. Un homme aussi pieux qu'éminent a peut-être eu tort de raconter comment un de ses ancêtres, M. le comte de Breuil, obtint pour son frère la commande de l'abbaye du Mont-Saint-Michel en échange de 600 bouteilles de grand vin de Bourgogne. C'était sous le régent Philippe d'Orléans et, cette époque n'est pas fertile en histoires édifiantes, tout ce qu'on sait de la longue prélature de l'abbé de Breuil, 1721-1766, se rapporte aux prisonniers politiques qui occupaient alors les portions du palais abbatial appelées le Grand et le Petit Exil. Les plus connus entre ces captifs sont le poète Desroches et Dubourg, le prisonnier à la cage de fer, Desroches n'était qu'un frondeur, comme Latude. Dubourg, de son vrai nom, Victor de la Cassagne, était un pamphlétaire affilié à d'assez grosses intrigues. De Francfort, où il s'abritait, ses libelles diffamatoires avaient inondé l'Europe. Quoique la cage de fer fût en bois, et malgré les efforts du prieur pour adoucir sa peine, il y mourut de souffrance et de colère en 1746. L'archevêque de Toulouse, Étienne-Charles de Loménie, fut l'avant-dernier abbé. Il s'était déjà démis de sa commande en 1769, quand le comte d'Artois vint en pèlerinage au Mont, gouverné par des économes, le 17 mai 1777. Selon le docteur Cousin, le futur Charles X aurait condamné alors la fameuse cage de fer et son arrêt fut exécuté tôt après par le duc de Chartres, le futur Louis-Philippe. L'excellente et prolixe Madame de Genlis a laissé de ce fait un récit sentimental où il y a pourtant un trait de caractère. Au milieu de la joie générale, le Suisse était triste, c'était lui qui montrait les curiosités aux étrangers et il regrettait sa cage. Le 2 mai 1788, le dernier abbé, cardinal de Montmorency-Laval, prit possession. L'année suivante, la France rompit avec son passé royal. L'année suivante encore, le 20 février 1790, Saint-Michel, voilant les rayons de sa face, s'envola hors du sanctuaire vide et profané. À peine était-il dehors que la littérature du moment effeuillait derrière lui quelques fleurs. Le citoyen, Lavallée, faisant un voyage de découverte dans les nouveaux départements de la République, écrivait ces choses pleines de délicatesse et de goût. Une des curiosités du département de la Manche est le mont Saint-Michel. Ce n'est qu'un rocher, il est couvert de moines. Un Saint-Aubert avait trouvé très plaisant d'y bâtir un temple et d'y placer 12 chanoines assez complaisants pour servir le vainqueur de Satan, cet ange révolutionnaire. Ce n'est pas moi qui le fais dire aux citoyens. Il est vrai qu'il ajoute tout de suite après, « Ô Christ, le plus républicain des sages, toi qui portais écrite sur ton cœur la Constitution. » Mais c'est assez, n'est-ce pas, et vous demandez grâce pour le restant de la prosopopée. Ce livre emphatique ne dit rien, bien entendu, sur les ravages que Satan, l'ange révolutionnaire, un moment émancipé, opéra dans la maison de son éternel vainqueur. Les ruines furent lamentables dès que le dernier prieur, dont François Maurice et ses religieux, eurent pris le chemin de l'exil. Des gens venus on ne sait d'où, des étrangers, des fraudeurs, des échappés de prison, se rendirent maîtres du sanctuaire. Saint-Michel n'y était plus. Ces malheureux se ruèrent sur la basilique, semblable à un corps superbe que la vie aurait abandonné. Ils outragèrent le cadavre. L'orgie dura plusieurs jours. Tout fut flétri, souillé, pillé, ravagé, et quand la rapine s'arrêta enfin, ne pouvant emporter le granit des murailles, on alluma les torches pour que la fête eût son digne couronnement, l'incendie. C'en était fait du monastère tout entier, si les jeunes volontaires d'Avranches, arrivant au pas de course, n'eussent pris position au Sogotier et chargé leurs armes. Ainsi furent sauvés, avec le glorieux chef-d'œuvre de notre architecture nationale, beaucoup de manuscrits, livres et documents qui sont pour nos bibliothèques d'inestimables trésors. Après ces hontes, l'abbaye avait besoin d'être purifiée. Elle le fut, quoique nulle autorité humaine en ce temps n'eût vouloir ou pouvoir que pour aggraver l'ignominie. Avec dessein de mettre le comble à son humiliation, on la fit prison du haut en bas, et ce fut comme si on l'eût baignée d'eau lustrale, car tous les prisonniers qu'on y entassa furent des prêtres. La prière habita de nouveau ces murailles bâties pour la prière. 300 ecclésiastiques des diocèses d'Avranches, de Coutances, de Dole, de Saint-Malo et de Rennes, trop vieux pour obéir à la loi d'exil, reprirent ici, au fond de leur cachot, le Laus Perennis, un instant interrompu, et continuèrent séparés les uns des autres, mais louant Dieu dans un sublime unisson, le cantique de la souffrance acceptée. Nous n'avons nul souci d'appuyer sur les cruautés infligées à ces saints vieillards. Aussi en emprunterons-nous le tableau à M. Fulgence Girard, écrivain connu pour ses opinions républicaines. les prêtres renfermés au mont, dit-il, y furent placés sous un régime très sévère. L'alimentation grossière à laquelle ils furent soumis eût été même insuffisante à leurs besoins si les secours de leurs parents et de leurs amis n'eussent suppléé à cette nourriture. Il est assurément difficile de dire à un geôlier avec plus de ménagement qu'il fait périr son prisonnier d'inanition. Et que penser d'un gouvernement qui compte sur la charité publique pour jeter un morceau de pain à travers les grilles de ses cachots? Aussi M. F. Girard dit-il encore, « Le premier devoir le plus sacré est d'assurer l'existence de ceux qu'on prive de leur liberté. Si on ne peut leur fournir des aliments, qu'on leur ouvre les portes des prisons. » Il ajoute, pris à la gêne entre l'opinion qui lui est chère et la droiture native de son cœur, ce qui rendait encore plus condamnable ce régime, c'est qu'il pesait sur un certain nombre de vieillards, dont la caducité et les infirmités avaient empêché la déportation. Une mesure émanée de quelques magistrats, égarés par l'exaltation, poussa la rigueur jusqu'à priver ces infortunés de leur bréviaire. Le geôlier en chef que F. Girard accuse seulement de rigueur et de sévérité était ici le fameux conventionnel Le Carpentier, l'homme qui à Granville réquisitionnait les cierges des hôtels pour éclairer ses petits soupers tachés de sang, et qui, à Saint-Malo, a laissé une légende encore plus burlesque que hideuse. Sa plaisanterie favorite était d'appeler la prison de ces doux vieillards qui priaient pour lui le Mont Libre. Lors de la marche des Vendéens sur Granville, en novembre 1793, les portes des cachots s'ouvrirent, mais aucun des martyrs ne fut capable de saisir la liberté, et à peine les Vendéens étaient-ils partis qu'une nouvelle garnison républicaine arrivait. Enfant, nous avons tous vu quelques pauvres oiseaux mourants dont on ouvrait ainsi la prison et qui essayaient en vain de se traîner hors de sa cage, mais les enfants, assez cruels pour priver les oiseaux de l'air du ciel, ne poussent pas du moins la rigueur jusqu'à les faire mourir de faim. Ce fut sous le Premier Empire que le Mont-Saint-Michel devint prison permanente, 1811. Ce fut sous la Restauration, 1817, bien malheureuse parfois dans le choix de ses serviteurs, que la merveille de l'archange, patron de Charlemagne et de Saint-Louis, subit le suprême outrage d'être dénommée officiellement maison centrale de force et de correction. Le Mont resta tel jusque sous le Second Empire, 1864. Pendant ces 47 ans, on dit que plus de 14 000 détenus ont passé dans le glorieux logis où Saint-Michel, ami de ceux qui souffrent, habitait peut-être toujours. Parmi les hôtes malheureux de l'archange, citons quelques noms diversement connus, et, avant tout, le féroce Le Carpentier lui-même, qui y fut prisonnier 5 ans et y mourut chrétien. Il n'y a point de borne aux miséricordes divines. Vint ensuite Mathurin Bruneau, le sabotier qui s'était fait passer pour Louis XVII. Sous le règne de Juillet, on y mit des royalistes, héroïquement fidèles à la légitimité, et en tout temps des républicains, parmi lesquels il en est un qui menace de devenir illustre, l'infatigable conspirateur Blanqui. Finira-t-il en prison ou sur le siège, quel que soit son nom, qui sert de trône au dictateur? Il embarrasse beaucoup les républicains qui n'ont pas pour la République une passion notoirement désintéressée. Ses compagnons étaient Martin Bernard, Mathieu d'Épinal et le combattant spartiate Barbès. Le dernier et l'un des plus terribles incendies du Mont eut lieu dans la nuit du 22 au 23 octobre 1834. Le 20 du même mois, en 1863, un décret impérial supprimait la maison centrale du Mont-Saint-Michel. Tout aussitôt, Monseigneur Bravard, évêque de Coutances, demanda le monument pour le rendre au culte et vit sa requête accueillie. Ce n'était peut-être pas le plus difficile. Restait à rendre profitable pour la religion cet acte de l'autorité bien inspirée. Or, les ressources manquaient, et il y avait si longtemps que les pieuses foules avaient désappris totalement le chemin du grand pèlerinage de l'Occident. Les premiers jours furent hérissés d'obstacles. Par bonheur, après un essai qui n'avait pas donné tous les résultats attendus, Monseigneur Bravard s'adressa au père missionnaire de Saint-Edme de Pontigny, diocèse de Sens, de la fondation du révérend père Muard. Les choses changèrent un continent, et l'œuvre prit un cours favorable. bien que leur communauté n'ait pas l'office du cœur comme les anciens maîtres de l'abbaye dont le chant de perpétuelle louange a duré 9 siècles, les pères ont accepté, autant que la chose était possible, le legs du passé pieux et instauré de nobles cérémonies dans le transept nord de leur basilique où est la statue récemment couronnée de Saint-Michel. Les élèves de l'école apostolique qu'ils ont fondée, les secondes, instruits comme dans un séminaire pour devenir un jour eux-mêmes des apôtres, ces jeunes gens, capables de comprendre les beautés de la liturgie si respectueusement conservée dans la famille de Saint-Benoît, et dont les échos semblent planer encore sous la voûte de la nef angélique, aident à l'édification des pèlerins. Les pères ont en outre les enfants de l'orphelinat, tenus par les sœurs au bas de la Sainte Montagne. Les deux œuvres sont pareillement prospères, parce qu'elles sont conduites avec un talent, une sagesse et une volonté de bien faire au-dessus de tout éloge. Mais la maîtresse entreprise des pères, celle qui leur donne place obligée à la dernière page de ce livre, c'est le rétablissement du bien-aimé pèlerinage de Saint-Michel, dont le progrès brillant et sans cesse grandissant coïncide avec la restauration du monument par l'architecte très savant et habile à qui j'ai été heureux de rendre hommage plus d'une fois au cours de ces récits. Il y a eu, depuis 2 ans surtout, renaissance splendide et bénie du pèlerinage français par excellence, et que Dieu soit remercié s'il permet que mon humble travail enrôle quelques pieux voyageurs dans les rangs de la foule qui viendra cet été prosterner sa ferveur au pied de l'ange de la patrie. Le souverain pontife a encouragé les pères à restaurer l'ancienne confrérie de Saint-Michel. Grâce à une protection si haute, à l'appui de nos seigneuries, les évêques, et aux efforts dévoués de sa direction, la confrérie compte des milliers de zélateurs. Une excellente revue attachée à l'œuvre, les Annales du Mont Saint-Michel, voit tous les jours grandir son influence. Cependant, les pères missionnaires ont atteint un résultat qui leur est plus cher encore. Je veux parler de la couronne posée par le souverain pontife sur le front de Saint-Michel. C'est là leur véritable récompense, et c'est une grande grâce, en effet, accordée par leur entremise à la France catholique. Pour la première fois, l'Église ceignait le diadème au front d'un ange. Les fêtes du couronnement de Saint-Michel, patron céleste de nos armes, sont trop près de nous, juillet 1877, pour que nous en redisions ici l'enthousiaste splendeur. Monseigneur l'évêque de Coutances et d'Avranches, parlant du haut du rempart où sa chaire était une tour, enseigna la mystérieuse signification de cet acte à tout un peuple qui semblait une poignée de fourmis humaines dans l'immensité de ce temple, ayant l'horizon pour clôture, pour tapis les grèves d'or, le soleil pour lustre, le ciel pour coupole. L'éloquence du prélat, successeur de Saint-Aubert, domina longtemps l'émotion profonde de son auditoire, si petit dans l'espace, mais si grand sous le regard de Dieu, où le même cœur chrétien battait dans plus de 20 000 poitrines. Ce sont de solennelles heures, la patrie catholique écoute et se recueille, sa prière monte, l'incrédulité frappe et raille, mais il importe peu. Qui est comme Dieu ? La volonté de Dieu sera faite. Le pleur d'une âme bonne pèse dans la balance un poids plus lourd que des milliers de blasphèmes. Priez pour les méchants, ô priez de toute votre force, aimez le blasphémateur jusqu'au plus bas de son égarement, et ne détestez que le blasphème. Il y a dans le monde quelque chose de nouveau, et il est vrai de plus ancien que le monde, car à toute détresse est opposée une miséricorde qui la surpasse. Vous priez aujourd'hui plus qu'hier, où vous n'aviez déjà plus honte de prier. Demain, vous prierez davantage, et vous vous en ferez gloire. Vous apprenez la science de souffrir, qui est la science de vaincre. Aimez avec cela, ayez pitié sincèrement des malheureux qui vous persécutent. Il y a au-dessus du monde quelque chose de nouveau et d'éternel. Sur cette montagne de merveilles qui a porté si longtemps les destinées de la France, c'est le même Saint-Michel avec un peu d'or en plus à son front. Êtes-vous certain cependant qu'il n'y ait que cela ? Une grande pensée tient peu de place. Quelle pensée plus vaste que la terre ne tiendrait entre ce diadème et ce front ? Seigneur, je ne suis rien et n'ai droit à rien. Mais un soir que je versais les larmes de mon espérance à vos pieds, tout seul, dans la basilique de votre ange, j'ai vu, comment dire cela, j'ai vu au-dedans de moi-même, pendant que la nuit descendait lentement des voûtes de ce cœur, unique en sa beauté, j'ai vu, les yeux fermés, à l'intérieur de ma propre conscience, Saint-Michel, qui est toujours votre ministre élu et qui est toujours le patron de votre peuple, la France. C'était bien le même Saint-Michel, mais ce n'était plus la statue, dressée debout réellement, à 10 pas de moi, l'épée haute. Et le dragon que cette statue foule aux pieds n'avait pas été terrassé par l'épée. Le signifeur, votre porte-étendard, Seigneur, me montrait un nouvel emblème. Il y avait une flamme, une foi, allumée sous sa couronne donnée par l'Église, et le glaive au repos était dans sa main gauche avec le bouclier. Dans sa main droite ouverte, il y avait une flamme encore, mais bien plus puissante que celle de son front, et faite de 2 feux inégaux dans leur union, qui brillaient de tout l'éclat supérieur que la charité dégage au-dessus de la foi même. Ma méditation en fut comme éblouie. Cette seconde flamme avait précisément la forme de ce qui est plus ancien que les jours, mais nouveau dans le monde, et nouveau quoique éternel par-dessus le monde dans le domaine de l'immuable. Ô Jésus adoré, ô bien-aimée Marie, je voyais, à travers l'intensité de mon espoir, le premier de vos serviteurs célestes apporter dans celle de ses mains où était jadis le glaive, ce feu, ce vœu, cette promesse et ce salut suprême, la dévotion au très sacré cœur du Fils de Dieu, uni au cœur immaculé de sa mère, ainsi que ce remède a été annoncé et promis aux angoisses des derniers jours. Or, je venais de la montagne parisienne où saint Denis, apôtre de la France, reçut la joie du martyre. J'y avais vu le superbe élan de ferveur qui répond au redoublement de la fièvre de blasphème. Je savais l'endroit où le saint cardinal archevêque de Paris a enfoui la pierre du vœu national. Ce soir-là, quand les religieux du mont vinrent pour la prière du soir et que la voix grave du père supérieur eut récité les litanies, je baisai les dalles où les chevaliers s'agenouillaient autrefois et je dis en mon âme, ange du Sacré-Cœur et de la patrie, protégez la patrie auprès du Sacré-Cœur. Saint-Michel couronné de foi divine, ô Saint-Michel armé du divin amour, défendez-nous dans le combat, afin que nous aimions ceux qui nous haïssent jusqu'à la mort, et que, fût-ce au prix de tout notre sang, le souffle des réconciliations descende sur le repentir de la France. L'avenir est dans le pardon. Ici se terminent les merveilles du Mont Saint-Michel, de Paul Féval, enregistré par Christiane Jehanne.